Le président de l'association de médecine des Coréens au Japon, Kang Gyeong-bu, qui avait participé au 19e séminaire de médecine de Pyongyang des Coréens de l'intérieur et de l'extérieur du pays, s'est entretenu avec un correspondant de l'agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit que l'Institut de la tumeur mammaire de la maternité de Pyongyang, l'hôpital pour enfants Hongnyu, l'hôpital stomatologique Rugyon, le complexe ophtalmologique Rugyon sont les centres de services médicaux qui méritent de s'en vanter dans le monde, empreint de l'affection du maréchal Kim Jong-un qui n'épargne rien pour l'amélioration de la santé des Coréens. Il a ajouté que c'est le résultat de la direction éminente du maréchal qui mène la politique de primauté, de respect et d'amour du peuple. Il a souligné qu'il a vu la supériorité du régime sanitaire socialiste de la Corée à travers les soins médicaux gratuits pour les travailleurs et que les Coréens qui jouissent du bonheur sans aucun souci pour le traitement médical dans ce régime sont le peuple le plus heureux dans le monde.